Bonjour à tous chers amis et bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, nous avons une leçon avancée. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une leçon avancée ensemble. Donc nous sommes contents de reprendre ces leçons qui vont commencer aujourd'hui avec une leçon sur un personnage illustre dans l'histoire française qui est Napoléon Bonaparte. Donc je suis ici en compagnie de Marion. Bonjour. Salut Marion, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va pas mal. Je suis content d'avoir cette leçon sur Napoléon, puisqu'on en a tellement entendu parler quand on était jeune, il est temps qu'on le fasse découvrir aussi à tous nos auditeurs. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas la véritable vie de Napoléon. Voilà, moi, les cours d'histoire que j'ai eus, c'était pas du tout sur son enfance, et la leçon qu'on va voir aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Parce qu'on connaît généralement sa... ses batailles. Voilà, ses batailles. Mais évidemment, il a eu une jeunesse comme tout le monde, et c'est ce qu'on va voir dans la leçon d'aujourd'hui. On va découvrir la jeunesse de cet illustre personnage. Donc on va écouter, cette fois-ci ce n'est pas un dialogue, c'est juste un monologue ici. On va écouter ce monologue, et on revient ensuite pour expliquer certains mots difficiles, certains points délicats. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Jean-Claude Duss, naquit en l'an de grâce 1769 en Corse, dans la belle ville d'Ajaccio. Chez les Duss, de père en fils, on élève une race de cochons appelée le cochon sauvage. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Claude n'a cure de la tradition familiale. Sa passion, c'est le fromage. Cette passion sera le fil conducteur de toute sa vie. En effet, il entre en conflit très tôt avec son père, qui, ne pouvant supporter cette trahison, le répudie, alors que Jean-Claude n'a pas encore fêté ses 15 printemps. Il est alors obligé de quitter le domaine familial et se retrouve à la rue, renié de tous. Seule la foi en sa passion et la conviction qu'un destin fabuleux lui était réservé lui permettront de ne pas craquer. C'est ainsi qu'il décide, dans un premier temps, de prendre le nom de Napoléon Bonaparte, aujourd'hui connu de tous. Il conçoit alors le projet de faire le meilleur fromage corse jamais produit et de l'exporter dans le monde entier. Mais les temps sont durs et Bonaparte est sans le sou. Il doit effectuer de nombreux travaux, souvent ingrats, qui ne rapportent que très peu. Heureusement, Bonaparte est économe et parvient à mettre un peu d'argent de côté. C'est avec ses économies qu'il achètera sa première brebis, qui sera le fer de lance de son entreprise et qu'il appellera, comme tout le monde le sait, Marengo. À partir de cet animal, allait naître un empire. Eh bien voilà, quelle surprise! Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs seront surpris de savoir que Napoléon a bâti son empire à partir d'une chèvre. Exactement, c'est quand même assez incroyable cette histoire. Ça nous laisse un peu sur notre faim pour le prochain épisode, c'est sûr. Exactement. Quelle est la transition? C'est formidable, on va voir ce qui va se passer bientôt. Dans la prochaine leçon avancée, on verra l'évolution de... la carrière de Napoléon. Oui, avec Marengo, sa brebis, et voir comment ils ont réussi à bâtir cet empire. Alors, mais bon, on va reprendre le texte ici. Le premier point... On peut peut-être revenir sur la naissance de Napoléon, donc en 1769, ouais. Donc en l'an de grâce 1769. Ouais, donc on a vraiment ici cette formule qui est du français littéraire. Du français littéraire, du français ancien qui était utilisé plus au Moyen-Âge pour mettre en valeur une année spéciale. Enfin, l'an de grâce, on rajoutait le mot de grâce pour mettre en valeur cette année. Et je crois qu'il y avait aussi un rapport avec la religion. C'était chaque année, avait la grâce reçue. De Dieu ? De Dieu, oui. D'accord, en fait, je ne savais pas. Donc on dit en l'an de grâce 1769, comme on aurait pu dire en l'an de grâce 1789, date de la Révolution française. Et donc... Qu'est-ce qu'il s'est passé en 1769 ? Jean-Claude Duss naquit à cette date. Donc on a naquit, qui est le passé simple du verbe naître, qu'on emploie très très très rarement dans le français parlé, qui est quand même pas mal employé dans les textes d'histoire. Pour commencer une biographie, ouais, c'est souvent passé simple. Oui. Et en fait, ce n'est pas Napoléon Bonaparte encore à ce moment-là. On voit ici qu'on emploie la formule « de son vrai nom ». De son vrai nom. Ça veut dire qu'en fait, c'est Napoléon Bonaparte est un nom d'emprunt. Donc Napoléon Bonaparte s'appelait en vrai Jean-Claude Duss. Et donc, on va découvrir un peu, on va découvrir le cadre familial de Jean-Claude Duss. Pour découvrir que c'était des fermiers qui élevaient des cochons sauvages. Voilà, donc c'était des éleveurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cochons sauvages en Corse, non ? Exactement, c'est ouais. Ça, oui. C'est une race particulière de cochons qui se trouve, qui se trouve en Corse. D'accord. Et là, on a la formule pour dire « de père en fils ». qui veut bien dire qu'on fait ça de génération en génération. Oui, donc c'est une tradition familiale. Voilà, le père était éleveur de cochons, le grand-père était éleveur de cochons. L'arrière-grand-père était éleveur de cochons. Exactement. Et Jean-Claude Duss était également éleveur de cochons, c'était son destin. Ça aurait dû être son... Ouais, voilà, c'était son destin. Mais c'est un rebelle. Dès son plus jeune âge, il avait un charisme. On voit qu'il ne veut pas effectuer le même métier que ses aînés. Il est réticent, ouais. Il est réticent, tout à fait. Et on dit qu'il n'a cure de la tradition familiale. Il ne s'en soucie pas vraiment. Voilà, c'est l'expression n'avoir cure de. Ne pas s'en soucier, exactement comme tu as dit. Puisque lui, sa passion... C'est le fromage. Encore une autre nouvelle concernant Napoléon Bonaparte, après, puisqu'il s'appelle, donc, c'est maintenant qu'il s'appelait Jean-Claude Duss au départ, mais sa passion était d'abord, au départ, le fromage. Le fromage. D'accord. Du fromage corse? Oui, le fromage corse. Donc, qui a une spécialité, on peut la raconter. La spécialité du fromage corse, ce sont des fromages grouillants de verre. Qui pourrissent, en fait. Il y a un terme exact, corse qui décrit ce fromage, qui veut dire littéralement fromage pourri. Et donc cette passion pour le fromage corse va être le fil conducteur de toute sa vie, qui va être une sorte de guide dans sa vie. Par exemple, une personne qui a beaucoup voyagé durant toute sa vie. Ouais. Voilà, on va dire que les voyages ont été le fil conducteur de sa vie. Qui a préféré, par exemple, qui a préféré voyager que sa carrière professionnelle. C'est un peu la priorité. Exactement, ouais. Ouais. Donc ce sera la priorité qui lui permettra de mener ses choix en fonction de cette priorité. Oui. Toutes ces batailles ensuite, on verra, ça sera expliqué dans les prochaines leçons. On va pas en dire trop maintenant. Donc évidemment, la famille n'était pas très heureuse. Il est entré très tôt, il est entré rapidement en conflit avec son père. Il est entré en conflit, c'est-à-dire quoi? Il s'est disputé avec son père, c'est ça? Oui. Il s'est battu, plus ou moins? Voilà, ils se sont opposés. D'accord. Et évidemment, la conséquence, c'est que le père, pas content, a répudié son fils. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il l'a rejeté, il l'a considéré comme quelqu'un qui n'était plus de sa famille. D'accord. Et vraiment rejeté, quoi. C'est assez fort, c'est assez rare quand même quand des parents répudient leurs enfants. Il faut vraiment que ce soit passé quelque chose... De grave. Ouais. C'est tragique. D'accord, c'est plus ou moins comme déshérité. Exactement. Mais encore plus fort. Ouais. D'accord. Et encore, il était très jeune puisqu'il n'avait pas encore fêté ses 15 printemps. Oui, donc fêter ses 15 printemps, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore 15 ans, c'est bien ça? Oui, on emploie cette expression pour parler de l'âge. Par exemple, si c'est ton anniversaire bientôt, Marion peut dire... Que je vais fêter mes 23 printemps. Tes 23 printemps. C'est l'expression française. C'est assez joli pour parler de l'âge. Il est alors obligé de quitter le domaine familial. Oui. Donc la maison familiale. L'endroit où toute la famille habite. Et il se retrouve à la rue, renié de tous. C'est-à-dire? Qu'il est rejeté. Dénié. Voilà. Encore une fois, les gens font comme s'ils ne le connaissaient plus. C'est triste. Très triste, très triste cette histoire. Cette histoire de Jean-Claude Duss. Mais on voit déjà qu'il a quand même beaucoup de volonté. Hein. Il affirme sa passion pour le fromage, il se répudie par son père, mais il continue. Tout à fait, on voit que c'est déjà un personnage qui va devenir, qui a énormément de qualités. De qualités, oui. Des qualités corses, je crois. On dit souvent que les Corses sont têtus et entêtés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On voit que Jean-Claude Duss, c'est un vrai Corse d'Ajaccio. Et donc cette force qui va lui permettre d'avoir un destin fabuleux, comme tout le monde le sait, et de ne pas craquer. En français, on peut dire, par exemple, je craque, ça veut dire qu'on... Qu'on perd les pédales, qu'on abandonne. Voilà, qu'on abandonne, exactement. Quand on a trop de pression, on peut craquer. Oui. Et donc il réagit, et c'est là, grand moment dans la vie de Jean-Claude Duss, puisque c'est là, à cette époque-là, qu'il décide de changer de nom. Pour le nom de Napoléon Bonaparte. Voilà, qui est bien connu, évidemment. Que tout le monde connaît, oui. Ça deviendrait l'idée de changer de prénom? Je sais pas si ça me viendrait spontanément, mais si j'étais répudié par ma famille, ce serait peut-être un moyen, oui, de marquer le coup et de commencer une nouvelle vie. Et de tout quitter, recommencer. Ouais, voilà. Recommencer. Donc il conçoit le projet de faire le meilleur fromage corse, jamais produit, de l'exporter. Donc concevoir le projet, ça veut dire... Voilà. Il a fait des plans. Voilà, ses plans, c'était de faire le meilleur fromage corse. Malheureusement, c'est pas assez facile. Comme il était répudié, il n'avait plus de... Plus d'argent, plus de famille, plus de ressources. Plus de ressources. Et donc il est sans le sou. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent. Exactement. Le sou, c'était l'ancienne monnaie française. Et on l'a gardé, ouais, on a gardé ici dans l'expression. Voilà. Il doit effectuer tous les boulots qui viennent, qui se présentent à lui, qui sont souvent ingrats. Qui sont souvent difficiles. Voilà. Désagréables. Peu valorisants. Oui, exactement. Que personne n'a envie de faire. Et qui rapportent très peu. Mais heureusement, Jean-Claude Duss, maintenant Napoléon Bonaparte... est économe et il arrive à mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il arrive à économiser et à garder de l'argent pour plus tard. Oui. Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté, toi? J'ai du mal. Ouais, c'est dur. Hein. J'essaye, mais bon. Et grâce à ça, deuxième étape vraiment, vraiment importante dans sa vie, il achète une brebis qui s'appelle Marengo. Comme tout le monde le sait, ouais. Qui est très connu. Et qui, on voit ici dans le texte, il dit qu'il sera le fer de lance de son entreprise. Et donc en fait, qui est le fer de lance, c'est dire qui, dans son projet, est l'élément le plus important. Évidemment, puisque ça avait été la première brebis. Qui va faire le premier fromage. Voilà, exactement. Et qui, à partir de là, tout va se décider, tout va se créer. Voilà. Donc à partir de Marengo, un empire va naître. Comment ? Voilà, c'est ce qu'on va voir. On va revenir un peu sur ce texte, sur la Corse, sur Jean-Claude Duss, juste dans la conclusion. Mais avant, on réécoute le dialogue. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Jean-Claude Duss, naquit en l'an de grâce 1769 en Corse, dans la belle ville d'Ajaccio. Chez les Duss, de père en fils, on élève une race de cochons appelée le cochon sauvage. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Claude n'a cure de la tradition familiale. Sa passion, c'est le fromage. Cette passion sera le fil conducteur de toute sa vie. En effet, il entre en conflit très tôt avec son père, qui, ne pouvant supporter cette trahison, le répudie, alors que Jean-Claude n'a pas encore fêté ses 15 printemps. Il est alors obligé de quitter le domaine familial et se retrouve à la rue, renié de tous. Seule la foi en sa passion et la conviction qu'un destin fabuleux lui était réservé lui permettront de ne pas craquer. C'est ainsi qu'il décide, dans un premier temps, de prendre le nom de Napoléon Bonaparte, aujourd'hui connu de tous. Il conçoit alors le projet de faire le meilleur fromage corse jamais produit et de l'exporter dans le monde entier. Mais les temps sont durs et Bonaparte est sans le sou. Il doit effectuer de nombreux travaux, souvent ingrats, qui ne rapportent que très peu. Heureusement, Bonaparte est économe et parvient à mettre un peu d'argent de côté. C'est avec ses économies qu'il achètera sa première brebis, qui sera le fer de lance de son entreprise et qu'il appellera, comme tout le monde le sait, Marengo. À partir de cet animal, allait naître un empire. Nous revoilà, maintenant que vous avez pu réécouter le dialogue, on va revenir sur les points importants de la jeunesse de Napoléon. On va revenir sur certains points, mais pas tous les points, je crois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voudrait vous dire... Poisson d'avril ! Et ouais, c'est le 1er avril, et en France, on célèbre ça, et ce qu'on a coutume de dire, c'est poisson d'avril. Donc, vous avez fait une petite blague. En mélangeant la biographie de Napoléon avec des éléments qui sont totalement faux. Ouais, alors, évidemment, il s'appelait bien Napoléon Bonaparte, il n'avait pas emprunté un autre nom, donc il est né sous le nom Napoléon Bonaparte, en 1769. L'année est correcte. Et en même temps, il est bien né aussi en Corse, dans cette magnifique île qui est donc juste au sud de Marseille. Et dans la ville d'Ajaccio, ça c'est vrai aussi. D'accord, donc son nom n'est pas Jean-Claude Duss. Non, mais Jean-Claude Duss existe. Ah oui ? Mais oui. Je sais bien, dans le film Les Bronzés font du ski. Et le film Les Bronzés ? Oui, Les Bronzés, Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3. Et Les Bronzés 3 aussi, ouais. Qui sont des films comiques que vraiment tout le monde connaît en France. Des films cultes ? Oui, parce que c'est vrai qu'ils sont, hilarants, ils sont vraiment très comiques. Et donc c'est des films qui sont, comme t'as dit, des films cultes que tout le monde connaît en France. Et ce personnage est un des personnages principaux du film. Il s'appelle Jean-Claude Duss. On vous mettra un lien pour vous permettre de peut-être vous familiariser avec ce personnage qui en vaut le détour. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Bon alors, les Bonaparte... Étaient-ils des paysans ? Non, pas vraiment. C'était pas des éleveurs, pas des paysans. Son père était avocat, donc c'était des gens qui étaient assez riches. C'était des nobles de l'île. D'accord. Et donc, Napoléon a vraiment fait des études de militaire. Voilà, ouais. Son père ne l'a jamais renié. Il ne s'est jamais vraiment rebellé dans sa jeunesse. Il a plutôt accepté d'être envoyé en France et d'entreprendre des études militaires, ce qui a été le début de toute sa carrière, en fait. Donc ce n'est pas Marengo qui a été à l'origine de... Enfin, Marengo n'a aucun lien avec Napoléon. Marengo a un lien quand même avec Napoléon. C'est que quand on voit la photo de Napoléon, on le voit souvent représenté sur son cheval, comme sur la photo qu'on a mis pour illustrer la leçon. Et donc c'est ce cheval blanc qui est un des chevaux de Napoléon. Et donc, il s'appelait bien Marengo. Donc, c'était pas la chèvre, c'était le cheval. Exactement, Marion. Ok, donc nous espérons que vous avez apprécié la leçon un peu spéciale d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres poissons d'avril à nous raconter, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la discussion de la leçon d'aujourd'hui. Ouais, ce serait vraiment avec plaisir qu'on les partage avec vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine leçon avancée. Et passez une bonne journée. On vous embrasse très fort. Au revoir.